Et ceux qui faisaient le matériel, les outils, les, tout ça. Le matériel, les outils, oui. Le c'était fait à Mirecourt. C'était fait à Mirecourt. C'était fait à Mirecourt, chez la maison Étienne, Espinasse, puis après ça c'était Étienne. C'était, où je dirais, l'usine était. Ouf, où est les cassons, où est les établissements de Blainville. Ah, en face chez la Berthe. Ben oui, en face, où il y a la, ce qu'on appelle la Croix de Mission, où il y a une croix, là. Ben, c'était là qu'il y avait les établissements Espinasse. Alors c'est eux qui nous faisaient nos rabots, nos canifs et tout. C'est ça.